Et disent Israël répondant, les signes que les prophètes prédisent. Les jours des nations terminés, la parole redressée au profit d'Israël dans sa porte. Le temps de la rédemption est là, les cœurs des hommes défaillent de peur. Sois rempli de l'Esprit d'Israël des apôtres. Reviens, la rédemption est là. Le temps de la rédemption est là. Les cœurs des hommes défaillent de peur. Sois rempli de l'Esprit d'Israël des apôtres. Reviens, la rédemption est là. Mente, il nie la vérité que Jésus, la parole est Dieu. Il manque la révélation, la parole de Dieu au prophète de ces hommes en Christ. Le temps de la rédemption est là, les cœurs des hommes défaillent de peur. Sois rempli de l'Esprit d'Israël des apôtres. De la rédemption est là. Les cœurs des hommes défaillent de peur. Sois rempli de l'Esprit d'Israël des apôtres. Reviens, la rédemption est là.